Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Au commencement était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Un jour, la parole a pris naissance. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Sur la route de Bethléem, Maria le ventre rond. Et Joseph, bien des problèmes pour trouver une maison. Pour Joseph et pour Marie, dans ce monde impitoyable, pour faire naître leur petit, il ne reste qu'une étape. Maria fermait les yeux et Joseph lui dit « Je t'aime » en caressant ses cheveux. Plus de peur ni de souffrance quand enfin est venue l'heure. Quand soudain dans le silence on entend battre le cœur d'un simple bébé, petit nouveau-né. Né pour tous les hommes, né pour les sauver. Petit bébé, petit nouveau-né, venu pour aimer notre humanité. Dans la nuit de Bethléem, une étoile est apparue, plus brillante qu'un diadème. De partout chacun l'a vue. Tous les princes et tous les mages ont suivi cette lumière jusqu'au lieu où l'enfant sage humblement dormait par terre. Les bergers de Bethléem entendirent la voix des anges leur chanter à perdre haleine des cantiques de louange. Jour de paix et jour de joie, dans le ciel et chez les hommes. Venez tous pauvres et rois, adorez Dieu en personne. Ce simple bébé, petit nouveau-né, né pour tous les hommes, né pour les sauver. Petit bébé, petit nouveau-né, venu pour aimer notre humanité. Un simple bébé, petit nouveau-né, né pour tous les hommes, né pour les sauver. Petit bébé, petit nouveau-né,